Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 28e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه واتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نسألك عن كلمة ما معنى شرب في الدواء مصدر شريبة يشرب ما معنى الطلوع ما معنى جوع سعيد أهم انتهاء انتهاء finir مصدر من انتهى ركن أركان فريضة فريح يفرح القيام لا ما في هذا النص ما هو هذا لك لكن لا في النص ايش يريد بالقيام صلاة التراويح قيام في الليل الغفران الغفران لا peur لا نعم منع يمنع معصية معصية une désobéissance تزاور يتزاور نعم سجن جديد زيت فرحة content joie content صبر endurance أكل le fait de manger ou celui qui mange l'aklun c'est du manger امتناع امتناع se retenir ربا ربا c'est un peu نعم c'est bien ça يعني بضائع المفرد c'est بضاعة طيب لليوم كنا الأسئلة لماذا يفرح المسلمون بشهر رمضان ماذا أيوة يستخدم كل كلمات آتية في جملة مفيدة Fata'atun. تشتري الفتاة بعض الفواكه لتكمل الوجبة. وفقك الله. Ça c'était pas dans la présidence. Si, non, c'était arrêté au milieu du dos. أنت دائم يا دمار وفقك الله. نعم. مثل. هؤلاء العمال لا يشتغلون مثلنا. لا يشتغلون مثلنا. مثلنا. مثلنا. ولد. يحذر المربي التلاميذ عن الولد أو الزوجة. يتوجه الولد إلى مسجدي لأداء الصلاة. طيب. نرجع الأسئلة. لماذا يفرح المسلمون بشهر رمضان؟ لأنه شهر قيام كم والغفران. ماذا نتعلم من الصيام؟ نتعلم منه الصبر والامتناع عن الأكل والشرب. متى يمتنع الصائم عن الأكل والشرب في رمضان؟ يمتنع عنهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب. ثانيا املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات مناسبة مما يلي. فرحة. نعم. أول الصوم فريدة. نعم. نعم الصوم فريدة المسلمين. ثانيا والصوم من أركان الإسلام. من أركان الإسلام الخمسة. نعم. ثالثا الصوم يعلم الإنسان الصبر. رابعا الصوم يبدأ من طلوع إلى غروب الشمس. من طلوع إيش؟ من طلوع ماذا؟ طلوع فجر. نعم. خامسا قال صلى الله عليه وسلم رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع. سادسا في رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. نعم. سابعا بعد انتهاء الشهر الصوم شهر الصوم تكون فرحة المسلمين بعيد الفطر. طيب. رابعا استخدم كل كلمات من الكلمات الآتية جملة مفيدة. امتناع. الفريضة. وانت الذي كتبته الامتناع واجب للمسلمين. امتناع ماذا؟ الفت دي صورني لكو دي معاسي احفل ديها الامتناع يقول الامتناع عن المعاصي واجب للمسلمين. طيب الخميس قلنا ما نفعلنا. تمام، ندخل في الجزء الثاني من الدرس على رمضان والعمرة. الآن ما يتعلق بالعمرة، وهو آخر درسنا إن شاء الله. طيب، أولا كلمات جديدة. قصر يقصر، معنى عكوسير يغرفمو عكوسير لشهولة كوبي لشهولة سباحة لأقوم حسي غازي. محرم، المحرم سيسولي كي اون اتاد سيكاليزاسيون في الحج والعمرة. طوف يطوف، ستورني وتوف كفي الحج والعمرة، تطوف حول الكعبة. الطواف على المصدر، إذا بس سيركمبلاسيون. على بعض ما لا يبل التواف العمرة طول الكعبة. الكعبة معروف. أشواط، هذا جم شوط، سي لو بلوريال دو شوط كي بدير اون ايتاب. السيركوي aussi. مقام، يقول مقام إبراهيم في الحرام، يعني لليو إبراهيم ستون لبو. زمزم معروف. قبل يقبل، ساسي عمغاسي. عمغاسي الحجر الأسود، ساسي لابيانوار. زحام لا فل، قد مر بنا زحام. زحام سي لا فل على البون دي موند. احرم يحرم، سي لو فات دو رونتري اون ايتا دو ساكريزاسيون. والمحرم سي اسم فاعل دو احرم يحرم. السعي، c'est la je sais pas comment ça s'appelle ça entre Safa et Marwa quand les gens ils s'accourent entre les deux montagnes. Pour ça qu'on a fait le Hajj ou l'Omra, ils savent. Haram, c'est rendre haram. Non, là ils veulent se rentrer en état de sacralisation. إحرام هو المصدر de أحرام يحرم. Ils auraient dû mettre après. Je sais pas qu'on nous séparait encore. Ils auraient dû mettre أحرام يحرم. إحرام et محرم. Ils auraient dû tous se mettre ensemble. Ça aurait été plus facile à comprendre. حلق يحلق. Ça c'est rasé. خلع يحرع. سيؤتي انفي سنتخلع ملابسك طريقة بيتمان مثلا. شديد، هذا سي دور دور ça peut en plusieurs sens tout ce qui amène une certaine dureté ou sévérité ou أن هاي به سي لو ميم معنى كنتاها تقريبا فينيا. c'est terminé, je crois. Char, c'est les cheveux. Char, les cheveux. Et on dit char, c'est les cheveux de façon générale. Et pour dire un cheveu, tu rajoutes un peu par le bouton. Sha'ara. Muta'akhiran, c'est le contraire de Mubakiran. Adaks Mubakiran. Mu'tamir, c'est celui qui fait la Umra. Al-Mu'tamir, c'est celui qui entreprend une Umra. Bardoum, c'est le froid. Nashara yanshuru, propager, diffuser. Nashara yanshuru. Khabaroun, khabar, c'est l'information. Naql. Nakl, à la base, c'est transport ou déplacement. Et nakl ou al-jama'i, c'est le même sens que al-muwasal al-am. C'est transport en commun, en fait. Transport en groupe. Sayyara, ma'louf. Hawla, c'est autour. Hawla, c'est autour. Al-arabiya, ce qui est le par là, c'est Al-Luratu Al-Arabiya. Arab. Khabar, c'est l'information ? Non. Taqabbala, il ne voulait pas dire accepte comme accepte, non ? Là, c'est Taqabbala. Taqabbala. Ah, oui, mais Taqabbala, c'est qu'elle accepte, non, comme c'est écrit en dessous. طيب نخوض الحوار مع إسماعيل وأحمد. أنت إسماعيل وأنت أحمد. لقد حدثتني عن الصيام. فحدثني عن العمرة. Donc tu m'as déjà parlé du jeûne. Alors parle-moi de la عمرة. نعم اسمع حدثت طائرة في جدة. جدة وقد لبست تديب ثياب الإحرام ثم اتجهت إلى موقف سيارات. Donc il dit d'accord, نعم, oui. Écoute, l'avion atterrit à Jidda et j'avais déjà revêtu le vêtement de l'Ihram. Ensuite, je me suis dirigé vers la station des voitures, le parking, quoi. Donc il dit, si tu es rendu par le car, ou bien par le taxi. Quand on met M entre deux choses, c'est pour exprimer un choix. Donc il dit, je me suis rendu, j'ai été par le bus de transport en groupe jusqu'à ce que je parvins au Masjid al-Haram. De quelle porte es-tu rentré ? Sabah. سبعة أشوتي ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم وشريت من ماء الزمزم. Donc je suis rentré au Haram par la porte Salam. Ensuite j'ai fait les tours autour de la sept tours autour de la Kaaba. Ensuite j'ai fait deux rak'a derrière le maqam Ibrahim. C'est le lieu où Ibrahim se tient debout, là où c'est traces. et j'ai lu de l'eau de Zamzam. Et as-tu embrassé la pierre noire ? Dis-nous, il y avait trop de monde, trop de foule en fait. Il y a trop de foule. Ensuite, je me suis rendu au Sari, c'est l'endroit où on a cours entre les deux montagnes, pour faire mes 7 distances. C'est-à-dire le rang en fait. Et comment était le... je ne sais pas comment traduire le Sari. Vous avez compris ça. Là, j'ai pas le mot qui vient en tête, là, c'est un moment. En tout cas, Marlouf. Non. Non. Le trajet, quoi. Non, parce que dans le trajet, tu as un effort à fournir. C'est pas sur mon trajet. Tu vois, ça, à la base, c'est ça. Ça, c'est penser de faire une chose. Mais fournir un effort dans une chose. Ça, vous avez compris, Marlouf, c'est un hamshay. Non. Shadidan. Donc, il y avait une forte foule. Et comment s'est terminée la Umra ? Ou comment tu termines la Umra plutôt ? Donc il dit après Sa'i, j'ai rasé ma tête, ensuite j'ai ôté les vêtements de l'Ihram. Donc qu'elle accepte ta Umra et j'espère faire comme toi. Il dit avec la paix qu'Allah t'accorde la réussite. Avec une ma'a salama, ça fait une réponse de Gaon. Ça veut dire assalamu alaikum. Yaqul awalan istami' wa raddid. Écoute et répète. Là, il va apprendre justement à utiliser un dans un istifham, dans une question, il y a un choix entre deux choses. Un, bil hafilati zahabta, un bil sayyara. Donc, es-tu parti par le bus ou par la voiture ? Yaqul, zahabtu bil sayyara. J'ai été par la voiture. Ou en voiture. Al kahwata tashrabu, un ashay. Donc là, regardez, quand vous avez la hamzat al-istifham qui rentre et après il y a un alif. Comme les fois l'aime, on l'écrit en une fois et on fait elle mouge, il faut quoi, on fait la vague par-dessus, on dit al kahwa shalibta am ashay. Parce qu'à la base il y a un hamza sur un alif et ensuite un alif sakin. Donc parmi les dimlay, vous voyez, on les joint tous les deux et on fait un mouge au-dessus. Donc as-tu bu le café ou le chai ou le thé? Qal shalibtu ashay. Donc j'ai bu le thé. Akitaban qara'ta am sahifa. Est-ce un livre que tu as lu ou un journal? L'akitaban, pourquoi le mansoub? Parce qu'en fait, c'est un mansoub bi muqaddam. À la base, c'est qara'ta kitaban. Là, on a avancé sur le fi'l. Donc, il est mansoub. Am sahifa, qala qara'tu sahifatan. J'ai lu un journal. Rabi'an, amin bab al-salam daqata am bab al-hijra. Donc il dit, es-tu rentré par la porte de Salam ou par la porte de l'Hijra? Qal, dakhaltu min bab al-Salam. Je suis rentré par la porte de Salam. Khamisan, afi sabahi ahramta am fil masa. Donc es-tu rentré en état de sacralisation le matin ou l'après-midi ou le soir? Qal, ahramtu fi sabah. Donc je suis rentré en état de sacralisation le matin. Salisan, ah, tawaf, zahabta, am, as-sa'i. Adaita, fan. Ah, tawaf, adaita, am, as-sa'i. Donc, as-tu accompli les tours, ou bien la petite course, quoi, en fait. Qala, adaitu, at-tawaf. Donc, il a dit, j'ai accompli les tours, les circuits rituels. Sabian, al-hajara, al-aswad, qabbalta, am, al-ka'ba. As-tu embrassé la pierre noire ou bien la Kaaba? Qala al-hajar al-aswad. Normalement, c'est qabbaltu al-hajar al-aswad. et donc parmi les verbes. Thaminan, al-lughat al-arabiyya ta'allamta am al-lughat al-turkiyya? Donc est-ce la langue arabe que tu as appris ou bien la langue turque? Qal ta'allamtu al-lughat al-arabiyya, j'ai appris la langue arabe. Thaniyan, jal tatbiq, maintenant faut appliquer. Thaniyan, kawin jumalan kama fi al-namuzaj. Donc on pose des phrases comme dans l'exemple. Yakul, tusafiru bil-qitar bil-ta'ira. Ensuite c'est devenu Abi Kitar Safarta Tusafiru Afwan Ambi Ta'ira. Donc tu voyages par train ou par avion. Donc on fait pareil avec les mots de l'effraction en fait. Ajmel Oula. Abi Kahwata Tashrabu. Pourquoi tu as mis Abi Al-Kahwata Tashrabu Abi Shay. Ahmed قهوة أيوة. قهوة تشرب وبالشاي نعم ثانيا تركب الحافلة سيارة الأجرة سيارات الأجرة لا نعم الحافلة تركب أم سيارات الأجرة سيارات نعم ثالثا تأخذ العلاج في المستشفى في المنزل tu prends médicament à l'hôpital ou à la maison في المستشفى في المستشفى تأخذ العلاج أم في المنزل نعم رابعا تصعد إلى التابق الأول التابق الثالث tu montes premier étage deuxième étage troisième étage خامسا تقرأ في المكتبة في الحجرة في المكتبة تقرأ في الحجرة في الوقت تقرأ إذا ستقرأ في الحجرة Lis-tu dans la bibliothèque ou non, la chambre ou la pièce. Sadisan, tu faddilu al-haliba al-fakiha. Tu préfères le lait ou le fruit. Et pareil, je ne sais pas pourquoi ils mettent une fatha là au verbe là, c'est une dhamma. Tu faddilu. J'ai une erreur d'impression. Al-haliba faddilu am al-fakiha. سابعا تنام مبكرا متأخرا donc tu dors tôt ou tard مبكرا تنام أم متأخرا نعم تقيم في الفندق الشقة donc tu résides dans l'hôtel l'appartement Là, c'est pas le verbe en premier. Tu peux le dire, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Non. Et là, ils ont pas mis le harf jam, mais ils ont fait le remettre. M fi shaqqa. Il faut répéter là, le Jav. J'ai oublié de le mettre. Allez. Thalifan, Kowin, Hiwaran. Fikouli, Jumlatim, et Jumal Atiya, Kabak, Namouzaj. Donc, on va faire des phrases ou une conversation. Allez, à l'exemple de celle qui est citée en dessous. Asalan, Yakoul. Al-Mudarris. هل أنهيت العمرة؟ الطالب يقول نعم أنهيتها. المدرس يقول متى أنهيتها؟ الطالب يقول أنهيتها بعد عشاء. Donc on fait pareil avec chacune des phrases exposées en dessous. Anna Mohamed. On va dire Mohamed et Amr. Vous voyez là, c'est Mohamed et c'est Amr. On va dire, je vais faire Amr qui est le Sahil et toi, tu seras Mohamed et le Moudib. D'accord ? هل أنهيت العمرة يا محمد؟ نعم أنهيتها. متى أنهيتها؟ أنهيتها بعد أنهيتها. أنهيتها. نعم. طيب. هنا معنا زينب. أقول هل وجدت الصحيفة يا زينب؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. طيب هل شهدتما الميناء وشهدتما الميناء؟ نعم انهي لا شهاده نعم اشهدنا اشهدنا اشهدنا ها سيها سيها مينا نعم شهدنا ومتى شهدتهما ها شهدتهما بعد لا سلمان من دم يأخذ شو بقى شهدنا بعد الرأس طيب هل حملتم الحقائب نعم ما في ألف حملته لا قلت هل حملتم كيف تجيب نعم حملتم لا مثل عبد الرحمن c'est même Daniel si on parle à vous comment vous répondez حملنا نعم حملنا ركاب حقائب لا حملنا ها حملنا ها متى حملتموها حملناها بعد العشاء طيب هل فسحتن المريضات نعم فسحنا فحصنا لا مريضات فحصناهن متى فحصناهن فحصنا بعد أمس فحصنا أمس طيب هل قبلتم الحجر الأسود؟ نعم قبلناه متى قبلتموه؟ قبلناه بعد العشاء طيب ربي أن يقول اربط الجمل الآتية باستعمال الذي أو التي كما في النموذج نقفل لهم كل دفعة ونتيزان اسم موصول soit الذي soit التي. النموذج يقول سأركب الطائرة الطائرة تتجه إلى نيروبي نيروبي نيروبي نيروبي نيروبي الله أعلم. Ensuite, c'est devenu comment ? Sa'arkabu ta'irata allati tattajou ila Nairobi. Ajouma l'oula. Sa'arkabu ila al-funduq allati fi shari'a al-matar. Non, je vais aller à l'hôtel qui est dans la rue de l'aéroport. Fanyan. Sa'ajtari min. من البقالة التي تبيع فيها فاكهة تبيع فاكهة. Je vais acheter de l'épicerie qui vend celles qui vend les fruits ou le fruit les fruits. ثالثا سأتناول الدواء الذي يعالج الحمى. Il dit je vais prendre le médicament celui qui soigne la fièvre, bi'idnillah. Rabi'an. Sa'usafiru fi safi fi safiyana. La. Fi safina. Naam. Fi safina allati tahmilu rukab. Donc il dit, je vais voyager par le bateau qui transporte les passagers. Celui qui transporte les passagers, il y a un paquebot. Khamisan. Sa'atahaddasu fil hatif allazi bijiwari maktabi bijiwari maktabi al-barid. Qui dit je vais parler par le téléphone qui se trouve à côté de la poste. Celui qui est à côté de la poste. Sa'adisan. Sa'akru as-sahifa. Donc je vais lire le journal, celui qui diffuse l'information, les infos quoi en fait. Ils ont dit en plus en singulier, mais en français on dit au pluriel, les infos quoi. C'est quoi le pluriel? Akhbar. Akhbar. Akhbar. Ça va bien? Ça va être le ma'had. Je vais rentrer dans l'institut, celui qui enseigne la langue arabe. Le Khamisan, laissez-le parce que lui aussi, il n'est pas ordonné. Les mots ne sont pas mis dans l'ordre, on n'arrive pas vraiment à savoir comment faire les phrases, donc Inch'Allah, on le laisse. ندخل في قراءة من الجزء الثاني من هذا الدرس. الكلمة الجديدة سعى يسعى أي بين الصفا والمروة. C'est le fait de s'accourir. سعى يسعى تكوير بين الصفا la montagne s'appelle الصفا والمروة l'autre montagne s'appelle المروة et بين c'est entre. طيب يقول حدث أحمد إسماعيل عن عمره فقال. Donc أحمد a parlé à إسماعيل à propos de la عمره et il a dit وصلت بجدة وقد لبست ملابس الإحرام. Donc il dit je suis arrivé à Jidda, j'avais déjà revêtu les vêtements de l'إحرام. ومن هناك اتجهت إلى مكة المكرمة بحافلة النقل الجماعي. Et de là je me suis dirigé vers مكة المكرمة par le bus de transport en groupe. Ou عندما وصلت الحرام دخلت من باب السلام. Et عندما c'est même معنى كحينا qui veut dire au moment ou quand, mais c'est pas un camp d'une question, c'est un camp d'information. Lorsque. Non. Donc lorsque je suis arrivé au haram, je suis rentré par la porte السلام. ثم طفت حول الكعبة سبعة أشواط. Ensuite j'ai tourné où j'ai fait 7 circuits autour de la Kaaba. وبعد ذلك صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. Et après cela, j'ai accompli 2 rakat derrière le maqam de Ibrahim. Summa sharibtu min ma'i zamzam. Ensuite j'ai bu de l'eau de zamzam. Summa sa'aytu bayna as-safa wa marwa. Ensuite je me suis accouru entre as-safa wa al-marwa. Et al-marwa. Wa ba'd al-intihai min as-sa'i haraktu shar ra'si wa khara'tu malabis al-ihram. Donc après en clôture du sa'i, une fois qu'il soit accouru, j'ai rasé ma tête, d'ailleurs les cheveux de ma tête, et j'ai ôté les vêtements de l'ihram. Donc ça m'a dit l'asila mbashara rakizu awalan min aina ahrama ahmadu. D'où est-ce que Ahmed est rentré en état de sacralisation? هو أولا أحرم أحمد قبل في الطريق. أهلا أين هذا مبهم في أبستخيص أحرم طريق البري والجوي جوي إذن قبل إذن أين في الطائرة في الطائرة. ثانيا بماذا وصل أحمد إلى مكة؟ par quoi Ahmed est arrivé à Mecca? من أين وصل إلى مكة بحافلة ثالثا من أي باب دخل أحمد؟ de quelle porte, par quelle porte est rentré Ahmed؟ دخل من باب السلام. نعم. رابعا كم مرة طاف أحمد حول الكعبة؟ combien de tours Ahmed a-t-il fait autour de la Kaaba؟ طاف أحمد سبعة أشواط. نعم. خامسا لماذا لم يقبل أحمد الحجر الأسود؟ pourquoi est-ce que Ahmed n'a pas embrassé la pierre noire؟ لأنه حلق وعليكم السلام. T'as perdu ton tour. Indek. Peut-être. C'est pas dans ce texte à la base. Il n'y a pas de où. Lienna. Bachara. Tu es que bon. اسم لأن نعم لأن كان فيه زهام شديد. لا تقول لأن لا تجمع بطرق تقول لك زهام directement. لأن زهيم زهام زهام زهام لأن زهام شديد كان شديدا لأن زهام كان شديدا car la foule était forte. Ou, il y avait de la foule, quoi. Avec du monde. Khamisan. Ou Sadisan. Kifa tahallala Ahmadu min al-Ihram. Comment est-ce que Ahmed est sorti de l'état de sacralisation? La tahallala, c'est. Il n'y a pas de tarjama, c'est le axe de Ahram. C'est le fait de sortir de l'état de sacralisation. Désacralisé, quoi. Non. Moi, je crois qu'ils disent comme ça, désacralisé. Khala'a malabis al-haram. Ah non, là. Non. Harraqa. Aywa. Harraqa sha'ru. Sha'ra. Sha'ru. Non. Wa khala'a malabis al-haram. Non. Tu l'as rasé sa tête et tu l'as ôté les vêtements de l'haram. Taïm. Quand on sort de ça, on se rase la tête, c'est ça? Tu peux te couper les cheveux, raccourcir, te raser la tête. Oui, de raser. Oui, de raser. Wa qala Allah ta'ala, inna safa wa marwata min sha'airillah, fa man hajja al-bayt aw i'tamara, fala junaha alayhi an yatawwafa bihima. Et que certes, safa wa marwa font partie des rites, des emblèmes d'Allah, et que celui qui fait le hajj, à la maison, à la demeure, ou une omra, qu'il n'y a pas de mal sur lui qui fasse le tour entre les deux. En fait, qui s'accourt entre les deux. Ada ou al-ma'na, une façon relative à rapprocher. Les deux versets. Rabbi Hada, quand on taïna min ma aradna min avet kitab, on a filmé ce qui nous intéresse dans ce livre, mais certaines parties sont à revoir. Et un livre en lui-même, l'auteur des cas est très simple, mais les textes, il faudrait bien qu'ils soient améliorés. Seule la fin est meilleure. J'ai crié à Kada. Si vous arrivez à lire entre des textes comme ça, du Tawhid, la Aqida, ce serait bien. Ce serait plus utile. Anfa. Lakin l'Allah Mushtaka. Rafi Souel. Donc là, le plus important dans ce livre, c'est surtout les mots, le vocabulaire. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont employés tous les jours. Beaucoup. Alhamdulillah. Parler comme dans le livre, c'est pas vraiment le maqsoud. Mais au moins, si demain vous arrivez à écrire ou quoi, que ce soit correct. Et c'est pas vraiment, comme on a dit, c'est pas les nahoud sarf. Il y a eu des fawaid sarfiyya ou nahouiyya qui ont été prises, alhamdulillah. Mais ça suffira pas, quoi. Ce qu'il faut, c'est vraiment étudier le nahou. Depuis ses sources, dans le livre référence. Et quand celui, quelqu'un, par exemple, l'aura étudié Ibn Nahou, il va parler de lui, il va tout comprendre. Il va dire, ah ouais, j'ai pas compris, mais en fait, c'est pas facile. Et quand on sait pas, c'est vrai qu'on peut inventer. Voyez, Fabi Hadan Akul, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.